Les compétitions sportives nationales des ouvriers consacrées à la journée de Sungun sont clôturées le 25 août au gymnase de basketball de la cité Chungcheon à Pyongyang. On a annoncé le classement général et l'ordre par discipline et primé les meilleures équipes et joueurs.